Je voulais ton âme en entier. Tu voulais mon âme pitié. Je voulais ton corps en entier. Tu ne voulais plus de baiser. Alors j'ai filé le cœur léger avec ton âme à moitié. Ton âme à moitié. J'avais soif de ton corps. Tu as su souffler ma flamme. Tu as su éteindre mon corps. Alors je suis parti sans état d'âme. Je suis parti sans remords. Faire de nouvelles gammes. Vers de nouveaux décors. Tu voulais ton âme en entier. Tu voulais mon âme pitié. Je voulais ton corps en entier. Tu ne voulais plus te baiser. Alors j'ai filé le cœur léger avec ton âme à moitié. Ah, ton âme à moitié. Tu as su étreindre mon corps. Alors je suis parti si haut dans le ciel. Je suis parti jusqu'au bord de la vraie vie, celle du rêve. Yeah.